beau matin, je sais que je me veillerai différemment de tous les autres jours. À mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Plein des yeux, plein du cœur, j'oubliais pour toujours ton cœur et tes bras et ta voix, mon amour. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, le lien secret qui déchire ma peau, mais libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur et les jours et les nuits et la vie de mon cœur. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes larmes de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oubliais jusqu'à ton nom, quand je pourrais repenser l'avenir, tu deviendras pour moi d'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi.